Bonjour, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Qu'est-ce que vous avez fait avec Jeff? On l'a chippé dans le sud. Ah, bon. À sa demande express. Attends! Oui, il est parti ce matin de bonne heure, vous là? Hier après-midi, oui. Ah, ben bien, c'est le fun de m'avoir averti. Ben, je pense qu'il t'a averti à la fin de la chronique. Il t'a lancé un genre de « moi, je m'en vais, c'est fini ». Oh, ouais, moi, je pensais que c'était sa façon de... S'en aller pour la journée, s'en même. S'en aller pour la journée, je veux pas trop. Sans ça, j'aurais cru qu'il avait changé de métier, puis j'aurais posé des questions. Il sera de retour lundi prochain. Bon, voilà. Une ronde de golf ou deux dans la verdure d'un endroit particulier, je présume. J'imagine que ça fait partie de ses priorités pour cette semaine. Bon, good. Comment ça va, vous autres? Ça va bien, André. On est très content des parallèles qu'on fait de nos grands athlètes ce matin. Ah oui? Ben oui. Tu connais Mohamed Ali, je pense? Je connais. J'ai vaguement entendu parler. Il faisait de la boxe, lui. Louisville, Kentucky. Yes! Et c'est ça. Ben, il y a José Théodore hier qui s'est lui-même lancé le comparatif. Il a tracé un pont entre lui et Mohamed Ali. Non, qu'est-ce que c'est? Oui, il a fait un parallèle entre la série Canadien-Boston et le Rumble to the Jungle au Zaïre de Mohamed Ali et de George Foreman, voulant nous dire que le dernier round, ou les derniers rounds, étaient les rounds de raison. Et que les gens qui s'étaient exclamés trop tôt dans la série Canadien-Boston se sont fait fermer la gueule par son extraordinaire performance, dit-il, d'hier, qui a cloué définitivement les Bruins. C'est lourd, ça. J'ai trouvé, le peu que j'ai vu hier, que la contre-performance des Bruins avait été quelque chose de dramatique. Mais quant à Théodore, s'il veut garder l'exemple du Zaï, et du combat contre George Foreman, il faut donc supposer que lui aussi a donné des buts durant le début de la série. C'est bizarre ce qu'il nous dit. Il admet quasiment, bon, ben, ouais, la ballonne que j'ai donnée à Bergeron, c'était prévu, là. Ali, au Zaïre, avait eu une attitude incroyable, c'est qu'il s'est laissé... Le rope-a-dope. Ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait provoqué Foreman en lui manquant de respect, en lui envoyant des directs du droit dans la gueule, des genres de coups qui démontrent un manque total de respect pour ses capacités. Un boxeur ne fait pas ça à un adversaire qu'il respecte. L'autre est devenu fou de colère. Et lui souriait constamment en plus. Exact, vous avez bien raison. Puis durant tous les premiers rounds, Foreman était déchaîné. Il frappait sur Ali comme un déchaîné. Il s'est complètement épuisé. Ali servait de punching bag. Il laissait l'autre marquer des points intentionnellement. Tout un parallèle pour Théodore, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et après avoir laissé marquer des points, parce que Foreman gagne tous les premiers rounds, oui, parce que Ali est un véritable punching bag, et il le laisse s'épuiser. Est-ce que je dois comprendre de la comparaison du petit côté des Hells qui garde les buts du Canadien de Montréal, qu'il a donné des avantages intentionnellement aux Bruins au début de la série pour les mêler? Oui. En fait, il était tellement sûr qu'il allait sortir fort dans le septième match, qui donnait des buts, puis qui a décidé qu'il rendait l'équipe. Et c'est ça. Et moi, je rajouterai là-dessus, de toute façon, pour faire le parallèle, jamais Mohamed Ali n'a perdu le contrôle du premier round, du deuxième et du troisième, c'était volontaire. Ouais, c'était volontaire? C'était volontaire. Mais est-ce que, si Théodore veut se comparer à Ali, on pourrait admettre qu'il est en train de nous dire qu'il a volontairement donné des avantages aux Blues? Oh oh! Ma question. C'est précisément ce que je le soupçonne de faire. Oui, oui. Au début de la saison. Une autre question, André. Hier, en fin de troisième période, Théodore est sorti de son filet et a remis le disque directement sur la palette d'un joueur des Bruins. Il lui a offert un tir à angle fermé. Est-ce que c'était intentionnel, ça aussi? Juste pour le frustrer, n'est-ce pas? Ah, OK. Il y a un beau sondage à RDS ce matin, Denis, dis donc ça, André, pour le fun, sur 8000 quelques cents répondants. Il y en a qui commencent à voir clair un peu dans le jeu, là. La question est la suivante. Quel est le joueur par excellence de la série Canadien Bruins? C'est Alex Kovalev qui est en premier à 55% des voix. Sakou Koivu, 32%. José Théodore, seulement 6% des voix. Ah, dans ça, il y a comme un retour de la logique. Il y en a qui, de plus en plus même, j'ai l'impression qu'à Montréal, il y a des gens qui se sont posé des questions, puis qui voient peut-être un peu clair dans le jeu des journalistes. Tu as dénoncé Ronald King la semaine passée, entre autres, en disant qu'il y en a beaucoup qui mangeaient dans la main de Théodore, qu'on donnait des étoiles à José en retour de parties de golf, ce genre de grenouillage-là. Là. Ah. On parlait même en fin de semaine, André, d'un mini-scandale des commandites pour le Canadien et ses journalistes. Ça parle avec des journalistes en privé, ils vont toujours se dire, bon, mais moi, j'ai besoin d'avoir de l'accès. Si mon patron, il veut de la copie, il veut pas savoir les vraies affaires, il veut que j'aille du matériel à tous les jours. Puis pour avoir du matériel à tous les jours, il faut pas que je me mette l'organisation à dos, ni les joueurs à dos, il faut que je fasse croire au monde que tout est beau. C'est ma seule façon de gagner ma vie. C'est ce que les journalistes disent en parlant des organisations comme le Canadien de Montréal et certaines autres. Et à partir de ce moment-là, ben, ils défendent corps et âme Patrice Brisebois qui a eu des séries très ordinaires. Hey! Ou un José Théodore qui a connu un match fiable hier, mais le reste de la série qui a traîné son équipe dans la misère. Là, le Canadien a gagné aux dépens de José Théodore. C'est malgré lui. Malgré lui, c'est ça. Ça ressemble à ça un petit peu, mais il s'agit maintenant de déterminer le parcours du défilé de la Coupe Stanley. Quelle rue sera saccagée? Ils ont l'habitude, quand ils gagnent de quoi, de saccager la rue Sainte-Catherine. Je commence à trouver ça dommage. Maintenant, si on ne pourra pas les envoyer au coin de Milton et Saint-Laurent, là, dans le coin où ça se tire d'habitude de samedi soir. André, je les enverrai au Stade Olympique. Nous faire une belle job. Ben oui, tiens. Tant qu'à casser de quoi? Casser le Stade Olympique. Régler le problème des expos. Yes. D'ailleurs, LCN commence à nous craquer tranquillement avec ça. Là, depuis ce matin, on nous montre les gens chauds qui sortent des bars puis qui brassent les chars, qui ont fait un peu de grabuge hier, en disant que c'était pas si mal. J'adore la façon d'LCN d'essayer d'amener les gens à se manifester dans les rues de Montréal. On avait fait ça il y a une couple d'années. TVA avait embarqué dans le cirque. Une semaine, c'est quoi? C'est quand la dernière fois que le Canadien a gagné la Coupe? C'est en 93? Exact. Oui, j'étais bien jeune. Et moi donc, en 93, une semaine avant la finale de la Coupe Stanley, je me souviens des Gaétan Giroir et des autres de TVA qui disaient « Oh, cette année, il faudra pas qu'il y ait d'émeutes. Oh, les policiers vont être là cette année, il va falloir faire très attention. » Pendant une semaine, à chaque bulletin de nouvelles, on revenait sur la possibilité d'une émeute, sur les possibilités de vol et de grabuge. Pendant une semaine, on a entretenu le buzz d'une émeute si le Canadien gagnait la Coupe. Qu'est-ce qui est arrivé? À partir du moment où le Canadien a gagné la Coupe, on s'est ramassé dans les rues, il y a eu du vol, du saccage, puis du bordel. Ça faisait une semaine que TVA craquait le monde pour mais ça. Mais oubliez pas qu'en même temps, les policiers ont plaidé qu'ils n'étaient pas préparés. Ouais. Ça marche plus ou moins. Ils regardent pas TVA. D'ailleurs, on a fait la même chose avec le phénomène Jackass il y a une couple de semaines. Alors qu'il y avait eu le show à Québec, on a présenté les pires images pendant des jours et des jours à LCN. Qu'est-ce qui est arrivé le samedi soir du concert à Montréal? Émeute, grabuge, etc., etc., etc. Est-ce que vous croyez le reportage de Hugo Dumas dans la presse de ce matin, première page du cahier spectacle, comme quoi Morissette a été crissé dehors de TVA pour s'être moqué de Pelado et de Snyder dans le bye-bye? J'en parlais plus tôt ce matin. Si c'est la vérité vraie, ce qu'il y a dans le journal, c'est un phénomène de contrôle qui est dangereux. Comment ne pas craindre quelqu'un comme Pelado qui fait manger dans son assiette les malpropres du CRTC? Rattacher les choses, là. Le message qu'on a envoyé aux artisans, c'est regarde, si tu lèches pas le cul de la Snyder puis de Pelado, tu vas perdre ta job parce que nous autres, on est forts au CRTC en plus. Ouais. Mais là, ils acceptent personne aussi dans leur concurrence. Je faisais lien ce matin, André, avec Morissette et Véronique Cloutier, évidemment. C'est sa conjointe. Et puis Guy Cloutier, qui lui est arrivé avec son histoire de Love Story, qui s'est trouvé à faire chambre à part comparativement à Pelado avec son trip de Star Academy. Car il vient de les tasser, mais comme faux. Mais là, t'es dans le showbiz québécois, tu peux plus parler de Guy Cloutier, tu peux plus parler contre Pierre-Carl Pelado, t'as plus grand-chose à dire, là. Mais ça, c'est l'effet du CRTC, excusez-moi. Mais à force de donner le contrôle de plus en plus grand sur un secteur de plus en plus grand de l'actualité artistique, le CRTC, en éliminant les indépendants, en concentrant le plus en plus de pouvoir auprès de ceux qui ont des condos en Floride, des Mercedes noires et des invitations au râtelier, pour les membres du CRTC qui ont besoin d'arrondir leur compte de dépenses. Venez souper. Venez souper, ça vous adonnera. À force de concentrer de plus en plus de pouvoir et de licences dans les mêmes mains, on a éliminé complètement toute espèce de divergence. Là, il n'y a plus que l'unanimité culturelle canadienne, c'est-à-dire la marque des ratés puis des gens primitifs. Et déjà, on a de la difficulté à faire ce qu'on appelle du commentaire éditorial. Si ça commence à toucher les humoristes, qu'on peut plus faire de jokes et qu'on peut plus faire d'allusions, tabarnouche, là, c'est va dans le bon sens ou ferme-toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part à TVA qui a osé dire que c'était arrangé Star Academy cette année et que Snyder connaissait le résultat avant que Pédalo ne l'annonce. Ça, c'est évident. Là. Et la grande gagnante, ben oui. Et en plus, moi, j'ai des sources très fiables qui me garantissent que chaque dimanche matin, on est certain de qui reste et qui s'en va à Star Academy. Outre les votes qui sont compilés là, pendant toute la journée de dimanche et toute la soirée de dimanche aussi québécois par l'entremise de TVA, pendant tout le long du gala de Star Academy, continue à dire aux gens, votez, votez, votez. Et les gens payent pour voter. Hein? Une oui. Pièce de la chotte. C'est-tu assez idiot, les Québécois marchent là-dedans. Il y a de la publicité subliminale pour contrôler l'esprit des gens. On utilise la puissance de Vidéotron pour facturer les gens qui s'intéressent aux produits. Et pour être certain de ne pas être importuné, on fait manger les salauds du CRTC comme Mark O'Sullivan, Penny Fodder, puis Wiley. On fait manger ces gens-là dans le râtelier du CRTC en leur de Pelado en disant « Puis amenez donc vos blondes en même temps. » Puis pendant ce temps-là, ben, les gens, dans l'indifférence la plus totale et complète, continuent à voter une pièce pour sauver un de la gang. Ouais. Il me semblait qu'un des rôles du CRTC, c'était de s'assurer d'une certaine intégrité du système. Tant qu'ils vont aller manger au râtelier de Pelado, quelle confiance on aura dans ces gens-là? Il y en a les mêmes qui lui ont donné tout le pouvoir, puis ensuite qui vont le voir pour manger. C'est primitif comme façon de faire. Tout ça nous donne un résultat tellement triste. La petite Stéphanie qui a une idée absolument originale d'ouvrir son école en Afrique. Ça s'était jamais fait avant. C'est elle qui a gagné à Star Academy ce talent indéniable. C'est un talent, André, qu'on dit tranchant, là. Ouais. Inévitable. Alors, elle va ouvrir son école en Afrique. Et en plus, quand elle gagne, elle dit, je suis quand même contente que ça soit terminé. Toutes des déclarations qui nous disent, c'est vraiment une championne, c'est vraiment tranchant. C'est le résultat que ça donne en bout de ligne. Oui, mais il faut aussi dire qu'on a eu une pionnière dans ce domaine-là, Céline Dion, qui nous a fait depuis longtemps la preuve qu'on pouvait avoir un certain talent en show business et être une parfaite idiote. Ouais, ouais. Tout est possible. Bien encadré, bien marketé, tout est possible. Ouais, sauf que lui, il est obligé de marier. Ouais. D'ailleurs, Louis Cousineau, ce matin, compare l'erreur de Julie à la fin du gala à celle de Céline qui, en entrevue, avait comme dit à propos de son bébé qu'il avait un jumeau et là, avait été obligée d'expliquer qu'il y en avait un dans une éprouvette au congélateur à quelque part. Là. Ce qui avait fait remonter au code d'écoute du Billboard la chanson de Tex LeCor sur le frigidaire. Ah, moi, je n'ai pas joué 6 fois. Ah oui, c'est le spinner pas mal. Ah oui, tout comme ce matin, je fais dans le O'Neill de Vaud. Là. La quoi? Le O'Neill de Vaud. De Vaud. Il n'y a pas de place pour les choses quétaines à votre antenne. Je peux pas vous le faire jouer. C'est toute la... Ce matin, je me disais, mais qu'est-ce que mes amis Montréalais vont gagner comme arrogance suite à la victoire de leur minable équipe de hockey hier soir? Et je me disais, jusqu'où l'arrogance montréalaise ira-t-elle maintenant qu'ils ont gagné? Tu t'as jamais entendu O'Neill DeVoe? Non, ça ne me dit absolument rien. Bon, mais regarde, à tous les jeunes qui écoutent Choi, c'est quand même Choi que vous allez entendre, comme si vous étiez assez connu. C'est ça. Ah oui, le Canadien de Montréal. Ah oui, j'ai déjà entendu. Oui, oui. Ah oui, le Canadien de Montréal. Notre technicien Bruno danse dans son studio. C'est... Mais que si il faisait jouer dur d'être bébé, il ferait pareil. Mais ça serait bon de faire rentrer l'équipe là-dessus, me semble, au Centre Bell. Oui. Oui. Sous des tonnerres d'applaudissements, là, ça donnerait beaucoup de crédibilité. Ça nous prend ça, André, ici, sérieux. Ça prend ça. Tu parlais de l'agressivité des gens de Montréal, André. Je peux pas passer sous silence l'agressivité de notre mère à nous autres. Il est fou. Il a pas pris ses médicaments. Ben là, il nous l'a dit, le fond de sa pensée, sur un autre sujet. Les maudites banlieues. C'est les maudites banlieues. C'est bien beau revenir après puis dire, oh, c'est pas ça que je voulais dire. Non, non, le fond, il est sorti. Là. Le fond, il sort sur des petites déclarations intempestives comme ça. On est des maudites banlieues parce qu'on se laisse pas faire. Donc, on est des écœurants. Lui, il pensait d'être capable de venir chercher nos impôts puis qu'on fermerait nos gueules. Mais regarde, là. s'il y a quelqu'un qui est capable de voir une tendance, la tendance, c'est écœure-moi pas avec les coûts, écœure-moi pas avec les conséquences, je vais vivre avec ma décision, je m'en vais d'ici, la diffusion est acquise. À Montréal, hier, des centaines de voitures dans les rues, et à Montréal, les anciens maires fusionnés de force font la lutte, en particulier à Longueuil, la mairesse de Boucherville est devenue la responsable de la défusion. Elle, elle joue pas à maire avec ça. Elle a pas fait comme les putes à Québec qui sont à côté de Jean-Paul Lallier puis qui acceptent des cadeaux. Elle a fait la guerre à la ville fusionnée de Jacques Olivier, un membre éminent de la PEG libérale fédérale. Puis ça lâche plus. Mais c'est justement la question que je voulais te poser, André. Qui à Québec milite pour les défusions actuellement dans les personnalités politiques? Est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a un. L'Oranger. C'est tout? Émile L'Oranger. Puis il est présentement en vacances. Puis il dit qu'il se promène partout avec un billet d'avion. Il dit, donnez-moi 6 heures d'avis, puis je suis de retour à l'ancienne Lorette pour diriger mes troupes. Il est prêt à revenir. Oui. Et à la minute, il y a des gens. Lui, sa ville a toujours été un modèle de mobilisation. Puis il y a plein de gars, puis pourtant à l'ancienne Lorette, tu vas te promener sur la rue, tu verras pas de pancarte, tu verras rien. Le chemin a été tracé, la job est faite. Les gens ne font qu'attendre le jour où ils vont faire leur X. Ils sont prêts. De la même façon que les gens sont prêts au Québec à voter contre les libéraux aux prochaines élections, peu importe la campagne que Paul Martin va faire, ça s'appelle un sleeper. Puis un sleeper, ça se mesure pas dans les sondages. Les gens qui font partie d'un sleeper comme ça, quand les sondeurs appellent, ils répondent n'importe quoi. Ils veulent même pas donner aux sondeurs la chance de savoir que le mouvement est en marche. Ils attendent la vraie shot. Ils attendent la vraie shot. Le reste, il y a rien qui a de l'importance, sauf le X qu'ils vont faire. Il est déjà fait, c'est juste d'aller le porter. J'espère sincèrement que la déclaration de l'allié hier va donner un petit boost ou un petit coup de pied dans le derrière du désintérêt qui nous gagne souvent dans ce genre de débat-là, malheureusement. Là. Parce que ce que l'allié a dit hier, c'est bien simple, c'est fusion pour fusion. Moi, je m'occupe de Québec, puis fuck le reste. Là. Ouais, c'est vrai aussi. Ces maudites banlieues-là. Mais c'est drôle qu'il ait fait ça. Puis ça prend pas grand-chose des fois. Prends par exemple, en fin de semaine dernière, les gens de Scorpion se sont pointés grâce à la station Esso aux Galeries de la Capitale. Ça avait donc bien de l'air compliqué. Et les gens des Galeries de la Capitale ont mal réagi. Une gang de fumelles agressives dans le bureau du directeur M. Bois ont décidé d'arrêter ça tout de suite. Ils se sont pétés la gueule. En quelques minutes, TQS annonçait la tenue d'une manifestation contre les Galeries de la Capitale à 11h samedi matin. Veux-tu savoir que vendredi, en fin d'avant-midi, il y a des flûtes qui se sont rajustées? Et parce que ça aussi, c'est un sleeper, l'affaire Scorpion. Ce sleeper, les gens, ils sont pas dans la rue tout le temps, mais tu leur donnes juste la chance de se manifester. Puis le fait qu'aux Galeries de la Capitale, les assistantes gérantes se sont comportées comme des maudites folles vendredi dernier. Ça a réveillé tout le monde. Et j'étais avec eux samedi matin. Julie, celle qui a donné ses mémoires à Jean-Marc Martel, qui en a fait un livre, était là. Tout le monde était là, mobilisé. Des milliers de dollars de petits fagnons ont été vendus en 2 jours. Bravo. Et Scorpion était relancé grâce à qui? Grâce à une crise de Gwyn dans le bureau du M. Bois. Parce que sans la controverse, il y aurait peut-être moins de gens qui auraient allumé ça. Si la Gwyn des Galeries de la Capitale avait pas chiré en envoyant la sécurité essayer de sortir Scorpion, ça aurait été une journée comme les autres. Il aurait vendu quelques dizaines de petits drapeaux. Mais grâce à cet imbécile de femme qui est agressive à l'endroit de la prostitution juvénile, au lieu d'être agressive avec les clients, elle préfère être agressive avec les filles, puis empêcher que les victimes soient aidées, parce que pour elle, ça n'a pas de bon sens. Ben, au lieu de se retenir, la maudite folle, elle a relancé Scorpion pour les prochains mois. Je la remercie. Oui, qu'est-ce qu'on fait dans ce sens-là? On envoie une petite carte de remerciement. Envoie une carte de remerciement. Merci, maudite folle. Bon, moi, signez ça. Merci, André. On s'arrête un peu pour revenir. Restez à l'écoute. André Assure vous revient de l'autre côté de la pause. CKNX 100.9. y a du nouveau chez Sainte-Foy Hyundai. En plus d'offrir les voitures les moins chères, voici la meilleure garantie au pays. 7 ans, 120 000 km sur le groupe motopropulseur, une garantie globale limitée de 5 ans ou 100 000 km, et en plus, l'assistance routière de 5 ans, 100 000 km. Roulez sans souci, la meilleure garantie au pays et les meilleurs prix. Détail chez Sainte-Foy Hyundai, rue Dalton, dans le parc Colbert. Avec Hyundai, vous êtes gagnant. Quand je dis qu'une boutique tient la route, je sais de quoi je parle. Avec Fournel Bicycle, vous pédalerez longtemps. La saison commence, faites faire une vérification en 15 points pour seulement 28 $. Un vélo Norco avec cadre en aluminium à partir de 9,96 $ par mois, ou un vélo Norco avec frein à disque à partir de 14,16 $ par mois. Et un cadeau parfait pour un cycliste, un odomètre 16 fonctions à seulement 39,95 $. Fournel Bicycle, première avenue Charlebourg et Saint-Vallier-Est, Québec. Là où on vend des vélos et que des vélos. Combien de temps choisir un Nissan? Il y a toujours un air qui me revient. Hey, une Nissan Sentra 2004 à seulement 179 $ par mois avec un léger comptant. Capital Nissan, toujours un leader dans le marché de l'automobile à Québec. Ouvert aujourd'hui. Quand vient le temps de choisir une Nissan? Votre nouvelle saison de golf débute par un passage à l'événement golf chez Swing de Golf, le long de l'autoroute 20 à Lévis. 2 pour 1 sur les souliers Reebok, 2 pour 1 sur les polos Greg Norman et 25% de rabais sur les nouvelles collections 2004. Sans oublier le plus grand choix de bâtons et de sacs au meilleur prix dans la région. Avec Swing de Golf, vous faites affaire avec des pros accrédités CPGA. Et pour mieux vous servir, venez voir notre nouvelle boutique à Sainte-Foy, sortie Jean Gauvin, à côté du IGA des sources. Swing de Golf, toujours 100 verges en avant de la compétition. Et Denis et le reste de la gang qui sont là, 8h51, André. Oui, les orphelins. Les orphelins. on pleure pas trop, par exemple. Regarde, des fois c'est le fun quand le bonhomme sort. Ben, les souris dansent, ouais. Tu sais ce que c'est. Il y a quelque chose qui me rend triste ce matin, André, je voulais t'en parler un peu. Je regardais la journée que les gens de Boston ont eue hier. Ouais. Ils ont eu un match de baseball entre les Red Sox et les Yankees. C'était ça. Patriots Day, ouais, fun. Ils ont eu leur marathon. Oui. Ils ont eu leur 7e match. Oui. Me semble que c'est le fun. Me semble que vivre dans une ville où tu as plusieurs recours comme ça en une seule et même journée, j'imagine qu'il y avait un concert aussi, quelque chose, me semble que ça donne plus d'alternatives dans une journée que de se remplir le nez de butane, par exemple. Vous savez que c'est une ville qui est à peine plus grosse que Montréal. Ben oui. C'est la ville la plus universitaire au monde. Oui. C'est une capitale économique et c'est en même temps une capitale politique, ce qui est très rare. Et c'est une ville remarquable, Boston. Et tout ça est arrivé hier. Dans une seule et même journée, en 24 heures, dans une ville, en passant, qui nous a donné toute une leçon de savoir-vivre pendant les hymnes nationaux. Encore hier. Montréal-Boston. Ils sont levés pour applaudir. Oui. Tiens les colons de Montréal. C'est la plus belle réplique qu'ils pouvaient pas trouver. Tout le long de l'hymne hier également, hein, du début jusqu'à la fin. Ouais. Des gens avec des uniformes, des Bruins sur eux qui applaudissent oui. L'hymne canadien pour dire aux gens de Montréal, vous êtes des colons, vous savez pas vivre. Des gens qui nous ont regardé de haut, André, pendant des semaines, voire des mois, en disant que Québec est un gros village rempli d'odeurs de purin, c'est drôle. Quand on voit les Montréalais dans leur Centre Bell huer un hymne national, je trouve que ça fait pas mal colon pis village. Et je vais aller au-delà et vous dire que Jean Béliveau ait été mobilisé pour contrer ça, c'est sympathique, et ça démontre l'attachement qu'inspire encore ce grand bonhomme. Où était leur charogne de mer? Très bonne question. Parce que c'était pas le rôle de la charogne de mer de Montréal de se lever et de dire, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens, Boston est la grande ville américaine la plus proche de Montréal, celle avec laquelle on a presque autant d'affinités qu'avec New York. Boston est à 4 heures de route de Montréal si tu passes par Saint-Jean-sur-Richelieu. Comment expliquer que cette charogne de maire de Montréal n'a rien fait? Un message au maire de Boston qui aurait été publié dans les journées de Boston, on disait, hey, t'es arrivé de quoi là? C'est des hooligans, c'est des gens qui savent pas vivre. Un mot d'excuse, quelque chose. Un mot d'explication même, sans être des excuses en disant, soyez assurés que l'ensemble des citoyens de Montréal ne manque pas de respect pour les gens de Boston et pour les gens des États-Unis en général. Cette charogne-là a même pas trouvé le moyen d'ouvrir la bouche. Quel genre d'imbécile ça prend pour être maire de Montréal depuis que Jean Drapeau est parti? Il y a des chiffres vraiment le fun ce matin dans le journal, André. 11,5 milliards d'échanges commerciaux entre le Québec et la Nouvelle-Angleterre en 2002, dont 7,9 milliards en exportations québécoises. 362 000 visiteurs du Massachusetts au Québec en 2002 qui y ont dépensé 174,6 millions de dollars. Et ça, c'est Boston, là. On parle pas de New York, là. Hein? On parle de la Nouvelle-Angleterre, dont Boston est la capitale. On parle des échanges entre nous et eux. On parle des homards qu'on déguste, qui sont bien meilleurs que les homards vaseux des îles de la Madeleine, excusez-moi. C'est fondamental. Où est la charogne de mai? Où est Jean Charest? C'en est un autre qui s'est pas exprimé là-dessus. Où est Jean Charest? Un petit mot au gouverneur du Massachusetts avec qui il a des rencontres plusieurs fois par année en disant « Hey, Jim, je m'excuse, là, mais il est arrivé de quoi au Centre Bell qui n'est pas représentatif de l'affection qu'on a? » Pas un mot! Puis nos éditorialistes, eux autres, réagissent quand? Ils réagissent quand on se fait traiter de tout et non sur Sportsnet, entre autres, parce qu'on a eu de l'air fou. Mais il n'y a personne le lendemain qui a dit « Un hymne national, peu importe de qui, ça ne se eut pas. » Un drapeau, peu importe de qui, ça se respecte. Exact. Le seul qui en parle un peu, et ça a été long, c'est Ronald King qui en parle ce matin en disant Québec 0, Boston 1. Là. Ou Montréal 0, Boston 1. En parlant des réactions aux hymnes nationaux pendant la série. Là. Mais sauf que les commentateurs auraient dû intervenir dès le geste posé. Dès le geste posé. Hey, regarde, rappelle-toi oubliez pas que ça s'ajoute à Brockton, ça. Puis Brockton, c'est bien plus grave que l'hymne national. Brockton, c'est les Bulldogs, je pense, de Brockton, c'est des Pee-wee. Il y a 2 ans, ils sont venus à Montréal pour un tournoi de hockey. Et ils sont arrivés l'an dernier, au lendemain de la guerre en Irak. Oui, c'est ça. On venait de déclarer officiellement que... Et leur autobus a été lapidé au coin de Peel et Sherbrooke parce qu'il y avait un drapeau américain dessus, rempli de petits garçons de 12 ans. Des kids qui viennent jouer au hockey. Ils se sont sauvés aux États-Unis et les journalistes américains ont raconté leurs histoires à la grandeur des États-Unis. Cette année, ils sont allés au Nouveau-Brunswick où ils ont été reçus en roi pour présenter des excuses aux gens du Massachusetts suite au comportement des gens de Montréal. Et ça, là, l'affaire Brockton, ça a fait parler tous les gens à Boston. Le Boston Globe, tous les petits médias locaux, toutes les stations de télévision en ont parlé du fait que des enfants ont été maltraités au Québec parce qu'ils étaient américains. Mais Brockton, c'est dans la banlieue de Boston. C'est la même crowd que ceux qui applaudissaient hier, non, là. Mais André, même au pire de la guerre froide, mettons, là, quand il y a eu les Coupes Canada et ce genre de choses-là, je me souviens pas d'avoir jamais vu un hymne national se faire ruer lors d'un événement sportif. Là. Je comprends pas. Je trouve mal la réaction. Je trouve tellement ça enfantin. Trouver un expliqué à ça aussi, là. Trouver la raison. Qu'est-ce qui motive ça? C'est de la haine mal garochée. Ouais, mais où? Elle vient de où? C'est du racisme. Oui. C'est profondément le racisme fondamental des Québécois, anti-américains, anti-sémites, anti-tout ce qui est mieux que nous, à la manière des Haïtiens, qui détestent les Américains, mais tu sais jamais pourquoi. Mais André, est-ce que les gens de Montréal sont fiers de notre hymne national? Je regardais le match Calgary-Vancouver hier, ils n'ont pas eu besoin de l'interprète pour chanter. La foule chantait sans même le chanteur. J'ai jamais vu ça à Montréal. Comment tu peux te permettre de huer un autre hymne national quand t'es même pas si fier que ça du tien? La main sur le cœur, souvent, les Américains. Oui. Et si tu vas au stade olympique, le match d'ouverture s'en vient, là? Oui, vendredi. Vendredi. Ah. Tu vas avoir plein de gens qui vont se gratter le rectum à la Jeff Brown ou qui vont se têter le bière, parler avec le voisin, puis manger leur hot dog assis pendant la présentation des hymnes nationaux. Tu vas peut-être voir également, comme l'an passé contre les Diamondbacks, la buzz de Star Academy qui s'installe sur le stade olympique et toute la gang qui sort pour nous chanter ça. Ouais. Ça se peut, j'ai vu ça l'an passé, André. J'ai perdu la voix à l'EUA avant la première manche. Vilain, vilain pingouin, vilain personnage. Désolé. André, tu sais qu'on a de nouveaux amis qui s'ajoutent comme ça au monde parallèle, à CKNU. Des gens qu'on ne savait pas qui... De qui tu parles, toi? Ben, des plein d'amis comme Franco Nuovo ou Normand Provencher ce matin dans le journal. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas pourquoi, là, depuis une couple de chroniques, il y a comme des opinions qui sont pas dénudées de sens. Le célèbre copiste Normand Provencher qui de la mort qui ne lave pas tout et qui revient sur le dossier de Micheline Charest. Je suis d'accord, c'est une semaine en retard, là, mais de lire ça dans le journal, je fais, hein, ça. Ça fait du bien de lire quelqu'un, Normand Provencher, qui nous explique ce dont on parlait depuis une semaine. Micheline Charest est d'abord et avant tout une fraudeuse. Et le fait qu'elle soit décédée n'enlève rien à l'information. Elle est encore une fraudeuse, sauf que c'est une fraudeuse morte. C'est ça. C'est bizarre à dire, ce qui l'a fait vivre, c'est justement les événements que tous on connaît. Oui, parce que sa célébrité était bien, bien minime jusqu'à temps qu'on la pogne en flagrant délit. C'est ça. De fraude. Une chose qui est amusante, c'est que les vraies victimes du comportement de cette femme-là sont les auteurs canadiens qui, eux, ont jamais été publiés. Or, les gens qui administrent les droits d'auteur sont des amis des Weingard. Ils étaient aux funérailles, ils ont fait des éloges. Alors que les gens qui devraient être furieux contre les stratagèmes de Sinan... Et solidaires, sont les auteurs qui ont été fourrés. Eux allaient embaucher des Américains et leur inventaient des identités canadiennes pour obtenir des subventions réservées à des auteurs canadiens qui, eux, ne les ont pas eues. Mais d'où vient cette tendance-là, André, à partir du moment où quelqu'un décède, puis je sais pas si c'est observable à grandeur de la planète ou si c'est quelque chose de typiquement québécois, mais on dirait qu'à partir du moment où quelqu'un meurt, il est gentil, il est fin, il est génial, c'est un modèle, c'est une légende, même si souvent il va s'enlever la vie de par lui-même. Je pense entre autres à Gaétan Giroir, à Dédé Fortin. Quand des personnalités décèdent, on dirait qu'automatiquement ça devient des légendes, des géants, des colosses, des gens de qui on peut pas dire absolument rien de négatif. Pat Burns a un cancer du côlon. Moi, j'aime Pat Burns. Sa mine constabulaire, je la trouve amusante. Bon. Mais Pat Burns est un privilégié de notre société. Il a été informé qu'il avait un cancer du gros intestin et il va devoir se débattre avec ça. Il a fait la première page de tous les journaux du Québec, de tous les bulletins de nouvelles. Même chose, là, qu'a reçu un téléphone à 2h15 vendredi de son médecin qui revenait du golf. Il dit, bon, mais je retourne mes appels, même chose, vous avez un cancer du côlon. Elle, ça y a pris 6 mois à avoir un rendez-vous, ça a pris 6 mois à avoir un test, ça a pris 6 mois à avoir le résultat. Puis encore 6 mois pour le prochain test. Ça va prendre 6 mois pour avoir un prochain résultat. Il reste 6 mois à vivre. Puis il reste 6 mois à vivre. Quand tu vois que Pat Burns, je te gage que même elle doit prendre Pat Burns en pitié, parce qu'elle est conditionnée par l'appareil médiatique d'une petite société primitive et consensuelle qui fait que tout le monde est d'accord tout le temps pour dire, comme nos journalistes, ben là, ça fait bien pitié. On en parlait hier, là, Michel Bergeron qui s'en va faire des déclarations. André, l'autre fois, je t'écoutais et tu disais que Planet Sport Montréal, entre autres, ont scrappé le show par leur partisanerie. Hier, je me faisais une réflexion après, je disais, la personnalité des commentateurs et des analystes passe avant l'événement. Et souvent, c'est pas leur avantage. Hier, puisque tu parles de Pat Burns, Jacques Demers, pas partisan Jacques, hein, il veut rien briser. Jacques, j'ai l'impression que quand il se lave, il bouge pas l'eau. De peur de faire quelque chose de grave. Jacques Demers, c'est le gars qui a dit dans les médias ici que le Canadien était fort et qu'il allait se rendre loin des séries et qui a dit en entrevue à des journalistes de Boston exactement le contraire. Entre autres. Que les Bruins étaient très bons et que c'était eux autres qui allaient se rendre loin des séries. Et oui, et que c'était terrible pour le Canadien d'avoir fait ça à José Théodore parlant du premier match. José Théodore qui était le gars qui pouvait te faire gagner des séries. Ben, il y a toujours l'air niaiseux quand il s'exprime. Hier, parlant de Pat Burns, c'est pas ce qu'il a dit André. Quoi? C'est le gars qui veut éviter toutes les étiquettes possibles en sortant du Centre Bell. Il dit, vous savez, dans le cas de Pat Burns, avez-vous déjà vu un policier lâché? Oui, Serge Lefebvre. Il manque à ça. Hey, y a-t-il quelqu'un dans la gang qui connaît Mira Aviation? C'est pas une compagnie qui a déjà eu un beau gros accident il y a pas longtemps. C'est pas eux autres qui s'étaient plantés à Gaspé avec des morts. Ça me dit quelque chose. Ah ouais, quelque chose de genre. Qui ont échappé leur beau King Air hier à Chibougamau. Oh. Mais que quand on essaye de parler à la compagnie, on parle à des gens tellement irresponsables que je m'en voudrais de noliser un avion de gens aussi déplaisants, agressifs et peu conscients de leurs responsabilités. Le Bureau de sécurité des transports vient de nous confirmer que le King Air de Miran Aviation a pris le champ à Chibougamau hier matin. Pas à peu près. Il y a des gens qui me parlent de perte totale. Mais voyons. Ouais, pis si vous, mais ça, c'est resté un secret jusqu'à ce matin. Mais là, c'est plus un secret, là. Les enquêteurs sont sur place, l'enquête est lancée, le crash est connu. Il n'y a pas eu de blessés graves, apparemment, peut-être des poques bleues. Ouais. Mais le seul blessé grave dans cet accident-là, c'est la réputation de Miran Aviation. On essaie de leur parler ce matin, puis... C'est tough. Il fait tough. C'est plus que tough, là, c'est primitif. André n'est pas Robert Piché qui veut. Non, certain. Passe une bonne journée. Salut. Salut, André. 16h38, on fait...